Arrête, fais ton couillon, quitte ta mère, dis ça mal, ben la main. Avec ton bande camarade, souvent tu mailles la politique. Tu sors depuis grand matin, j'ai soco, soit tu assises devant la boutique. Tu t'y bois, t'y bois, t'y bois, comme ça tu gagnes mal, pas la moins. Tu fais ton couillon, tu t'es ta mère qui s'amole par la main. Avec ton bon camarade, souvent tu m'as mal à politique. Sors depuis grand matin, j'ai souvent chawassé devant la boutique. Que tu bois, tu bois, tu bois, comme ça tu gagnes mal par la main. Arrête tes pieds. Yeah.